Bonjour chers cinéphiles. Alors aujourd'hui, nous présentons une nouvelle émission avec Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Kevin. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bah très bien. Toujours cinéphile averti aguerri. Toujours. On ne change pas. Donc, on vous présente OK Ciné. Donc c'est une nouvelle émission de voilà podcast. L'idée, c'est très simple. Voilà, on a en commun avec Aurore voilà ce goût pour le cinéma. On a la chance de voir des films en commun parce que on aime. Toujours les mêmes choses, mais on a quand même des goûts en commun. Et l'idée, c'est de vous parler d'un film qu'on a vu et qu'on a beaucoup aimé, et de revenir dessus. Mais c'est aussi l'occasion de vous parler de fun fact. Alors, Aurore, tu peux peut-être dire ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas. Alors, un fun fact, c'est un fait autour ou à propos d'un film qui est intéressant, plus ou moins intéressant, on va dire, et assez surprenant surtout. Quand on l'apprend. Bien, donc fait, voilà, étonnant, surprenant. Et en dernière partie d'émission, l'idée, c'est de parler des prochaines sorties. Donc, Aurore et moi, voilà, on vous donnera un film qu'on attend particulièrement. Notre coup de cœur voilà. Dans les prochaines parties. Alors, donc aujourd'hui, on va vous parler de Super Mario Bros, le film. Je précise le film, hein. C'est sous-titré le film, parce que forcément, à la base, Mario, c'est un jeu vidéo. Oui. D'ailleurs, ça date de quand ? Tiens, c'est une très bonne question. C'est très vieux. Je dirais que ça a bien une trentaine d'années, mais peut-être que je me trompe. Mmh. C'est même peut-être encore plus vieux. Donc voilà, on a Mario donc, qui est un plombier avec son frère Luigi. Et en l'occurrence, donc, c'est la première fois que le jeu vidéo est adapté en film d'animation. Il y avait eu un film. Oui. Il y a quelques années, a priori, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Ouais. Je ne l'ai pas vu personnellement. Je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu des extraits quand ils ont annoncé la sortie du film d'animation. Et évidemment, ils ont montré clairement le carnage qu'il y avait eu sur ce premier film. Du coup, j'ai la réponse. Ah. C'est 1981 dans le jeu, sur arcade Donkey Kong. Ah oui, donc ça fait une quarantaine d'années. Fois. C'est ça. Ah ouais, oui, d'accord. Ah oui, 81, donc on est en 2023, donc oui, 42 ans, et précisément, en effet. Ça. Donc ça remonte un petit peu. Alors, nous sommes allés voir Super Mario Bros. Le film. Alors c'est vrai qu'il y avait une énorme attente, hein, que ce soit pour les joueurs initiés ou non initiés. Enfin, on a tous été bercés, je pense, par Mario. Je sais pas toi, Aurore, si tu as joué aussi aux jeux vidéo. Si. Bah, ouais. Mario Kart et Mario Bros, évidemment. Voilà, moi sur DS, mais oui. Sur DS, la Wii U. Moi-même, j'ai joué sur Nintendo 64, tu vois. Ah oui. Donc ça remonte encore un petit peu. Et que ça soit en solo ou entre amis ou en famille, c'est ça qui est bien avec Mario, c'est qu'il y en a pour tout le monde. C'est ça. Donc, pour revenir sur le film sorti le 5 avril dernier, donc le synopsis. Alors qu'il tente de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Voilà, dans sa quête, il va pouvoir compter bien évidemment sur l'aide de Toad, un champignon habitant le royaume champignon, sur les conseils avisés également de la princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du royaume, et c'est ainsi que Mario réussira à mobiliser ses propres forces pour aller au bout de sa mission. Peach en somme classique. Oui. Rien d'exceptionnel. Non, mais... Mais le film était quand même exceptionnel à mon goût et je pense au tien Aurore. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ce film du coup ? Parce que, voilà, c'est vrai que le pitch est classique, mais... Finalement, ils ont pris un peu le contre-pied. Enfin, je sais pas, je dirais un peu ce que j'en ai pensé, mais je te laisse la parole, Aurore. Alors moi, ce que j'ai vraiment aimé à propos de ce film, c'est tous les easter eggs de tout l'univers Mario. La fameuse route arc-en-ciel qu'on a tous détesté à un moment de notre vie. Très difficile. et oui, enfin voilà, tous les champignons, le champignon bleu, le champignon... rouge, on n'a pas vu le champignon vert, si je me souviens bien. Ah oui, exact, il n'y figure pas dans le film. Une vie en plus. Mais oui, les toiles, évidemment, qui rend invincible, les cartes, les cubes qui donnent des objets pour avoir des pouvoirs, les fleurs bleues qui sont de la glace et les fleurs rouge-orange qui donne le feu. Et moi, j'ai vraiment aimé ça, c'est tous ces clins d'œil-là, et aussi toutes les musiques. Ils ont donné un très, très bon budget musique. Toutes des musiques... Enfin, moi, je sais que c'est vraiment le genre que j'écoute assez souvent. Et ouais, c'est vraiment ce que j'ai aimé à propos de ce film. En soi, oui, l'histoire, bon, bah, on s'y attend. C'est un peu le principe des jeux d'aller sauver la princesse Peach et le royaume. Mais ils ont vraiment réussi à emmener tous les easter eggs de tout l'univers Mario. Je te rejoins là-dessus, c'est vrai que Easter Egg, bon, il y en a plein et ça fait plaisir surtout quand on est fan. Et les musiques, alors là, bah, on retrouve bien évidemment les musiques du jeu vidéo, oui. Mais voilà, on a plein de musiques à la fois nouvelles et anciennes qui sont vraiment très bien amenées. Et par rapport au pitch, même s'il est classique, je trouve que c'est intéressant puisque finalement, il présente Mario et Luigi finalement non pas comme des personnages de jeux vidéo si je puis dire, mais voilà, des personnes lambda. Ouais. Oui, je suis d'accord. Ouais, ça, j'étais contente de, parce que j'ai pas souvenir dans la bande-annonce de les voir dans le monde humain. Et du coup, j'étais là en mode, mais comment ils vont l'amener en fait ? Est-ce qu'ils ont toujours vécu dans ce monde-là et voilà ? Et en fait, non, ils l'amènent vraiment dans un monde lambda. Et le fait qu'il soit italien, l'accent italien joué au début, enfin voilà. Moi, je l'ai vu en version française parce que quand j'ai vu les critiques en VO, je fais bon, bah, je sais quel film j'irai cette fois-ci voir en version française sans hésiter. Et oui, enfin, franchement, c'est intéressant la façon dont ils l'amènent en tout cas. Et là où ça va encore plus loin, c'est que tous les personnages sont contrebalancés parce que dans le jeu vidéo, bah, Bowser, voilà, c'est le grand méchant, alors que finalement dans le film, il est méchant, mais il est à la fleur de peau. Oui. Il est très très drôle. On va pas spoiler bien évidemment le film pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, mais le personnage est vraiment hyper intéressant de Bowser. Oui, franchement, ils l'ont bien réussi. Bah, c'est Jack Black dans la version originale qui le joue. Et j'ai vu quelques images. Bon, déjà, Jack Black est en lui-même un personnage assez marrant. C'est vraiment un acteur décalé par rapport aux autres. Et là, en Bowser, ça lui va très bien. Bah, il arrive en costume de Bowser lors de d'interviews, tout ça. C'est assez drôle. À voir. Donc voilà, l'image de Jack Black est vraiment bien reflétée, je trouve, avec Bowser, ça lui va très bien. Et on a aussi la princesse Peach. Alors là, pour le coup, terminer les princesses Disney, si je puis dire, là, pour le coup, à fleur de peau, mielleuse, etc. Là, pour le coup, et comme le rappelle le synopsis, c'est une guerrière. Oui. Et on le voit bien dans le film, en effet. Donc, c'est vraiment intéressant de contrebalancer ces deux personnages forts, finalement, de l'univers Mario. Et finalement, entre guillemets, bah, Peach apprend un peu de Bowser et Bowser prend un peu de Peach, quoi, finalement. Ouais. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et puis, au-delà donc, de ces personnages hauts en couleur, bah, on retrouve les autres aussi personnages du jeu vidéo, Diddy Kong, Donkey Kong et le père de Donkey Kong. On a également les champignons avec Toad. Également, et voilà, ils sont tous hyper intéressants, très drôles, ils sont à croquer, parce que voilà, graphiquement parlant, il est magnifique aussi le film. Oui, c'est vrai, Illumination, hein, c'est le studio qui a fait l'animation, et vraiment connu, qui a fait les mignons et moches et méchants, c'est vraiment des très beaux graphismes, ronds, mais ça reste... le créateur des mignons parlait de cette tendance à rendre mignons tous les personnages de plus en plus. Et là, c'est le cas. Ah oui, c'est le notamment cas. Notamment les Toads qui l'appuient. Hein, vraiment, ils en jouent énormément. Oui, ils en jouent énormément. Et c'est vrai que c'est top d'avoir en effet un studio français, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble, j'ai peur de dire des bêtises. Alors, il n'est pas français. Le créateur des mignons est français. Ah voilà, c'est ça. Le mais créateur le des mignons. Le studio n'est pas français. Il n'est pas français, d'accord, autant pour moi. Ok. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'avec les mignons, moches et méchants, comme des bêtes, tous en scène, déjà, c'était super dessin animé. Avoir ce studio pour Super Mario, bon, ça ne pouvait être, entre guillemets, qu'une réussite. Mais ils auraient pu se casser la figure, hein, clairement. Hein, oui. C'était très risqué. Oui, mais un truc que je trouve vraiment bien, notamment avec les graphismes, bah voilà, ils sont assez enfantins, mignons et tout. Mais par contre, c'est un film qui est fait pour des personnes bah, de notre âge, voire un peu plus anciens, parce que c'est tout des clins d'œil à leur génération, à notre génération qui avons grandi. Et bon, les enfants de maintenant, les enfants de 10 ans, connaissent quand même l'univers, mais sont moins bercés que nous. Vraiment, voilà, grandir avec les musiques, où on entend la musique, on sait immédiatement qu'est-ce que c'est. Et c'est un film pour toute la famille, même si les graphismes sont très, très enfantins. Oui, bien sûr, ça reste tout public, en effet, et bah, il faut rester en effet jusqu'au bout du film, Oui. puisque ça tease, voilà, une suite, hein, sans dire en effet de quoi il en retourne, mais bon, au vu du succès du film, Enfin, je une pense que ça suite, doit être. à mon avis, va débarquer dans peu de temps. Enfin, dans peu de temps, faut un peu de temps pour faire le film, mais à mon avis, c'est déjà, à mon avis, en cours, et d'ici 2-3 ans, à mon avis, la suite va sortir, puisqu'en termes de succès, bah, il est déjà à près de 6 millions d'entrées en France. C'est ça. Voilà, les prédictions disent que le film va au moins atteindre les 8 millions d'entrées, ce qui est énorme pour un film d'animation, Surtout en France. surtout en France, en effet. Il y a que les Disney, comme bah, là, par exemple La Reine des Neiges, qui fait autant d'entrées, hein, qui avait fait autant d'entrées. D'ailleurs, en parlant de La Reine des Neiges, donc le Super Mario Bros, le film, a été le film d'animation aux États-Unis qui a fait le plus d'entrées au démarrage, devançant La Reine des Neiges 2, qui était détenteur du titre. Donc c'est énorme, c'est incroyable. Je pense qu'il s'attendait à un succès, mais peut-être pas aussi grand. Non, je pense pas, mais après, bah, là, Box Office US, ils sont pratiquement à 500 millions d'entrées, hein, Ah oui. cumulées, donc c'est vraiment énorme. Ouais. Et bah, ici, c'est vraiment. Enfin, les jeux vidéo Mario sont vraiment des succès planétaires. Après, il y a eu un tel engouement devant cette idée, et bah, les films Sonic avaient bien marché quand même. Donc. Je pense qu'ils espéraient évidemment avoir un grand succès. Mais à ce point-là, ça a surpris, je pense, pas mal de monde. Ah oui, je pense que ça a surpris énormément de monde. Et bah, la plus-value du film, étant donné que nous sommes en France, c'est le doublage également. C'est vrai que bah, tu disais que tu as préféré le voir en VF plutôt qu'en VO. Alors moi, personnellement, c'est vrai que les films d'animation, il est très rare que j'aille en voir en VO, sauf les films d'animation asiatiques. Voilà, où en effet je trouve que la VO est importante, mais films d'animation étrangers, notamment américains, personnellement je préfère la VF, et alors là, en effet, pour Super Mario Bros. Le film, il faut aller le voir en VF, puisque, si je ne dis pas de bêtises là encore, je crois qu'on est le deuxième pays, après peut-être le Japon, j'ai un C'est doute, ça. Bah, ouais. où bah, justement le doublage est le meilleur. C'est ça. Bah, le Japon excelle dans les doublages d'animés, notamment. C'est assez impressionnant à écouter. Et donc, du coup, oui, nous, en France, dans les films d'animation, hors animés, je pense on doit être dans les premiers ou deuxièmes, un truc comme ça. Parce que c'est un métier à part entière par rapport aux États-Unis où, bah voilà, je disais Jack Black qui est déjà un acteur de base ou Chris Pratt qui joue la voix de Mario. C'est des acteurs de base, même si, bon, franchement, ils jouent très Ah bien, hein, oui, ce sont de très bons acteurs, oui. mais en France, ce sont des doubleurs à part entière, c'est un métier, et on le fait depuis des années. C'est vraiment depuis des années, depuis qu'on est là, avec toute la culture américaine, du cinéma américain, il a fallu qu'on les double. Parce que bon, en France, on n'est pas très bon en anglais, donc on préfère les doubler en français. Et donc, du coup, on a dû faire fonctionner, créer cette industrie du doublage et faire à ce qu'elle soit la meilleure possible. Et c'est ce qui fait la différence, en effet, pour Super Mario Bros, puisque, en effet, le doublage est assuré par des professionnels du doublage et non des acteurs. Ils auraient pu très bien prendre un Guillaume Canet, une Marion Cotillard, hein, par exemple, hein, je dis n'importe quoi. Mais je pense qu'en effet, ça aurait été moins bien et ça a été voilà, une très bonne idée voilà, de la France de se dire, nous, on assure le doublage par des professionnels. Et puis, ça permet aussi bah, de remettre en avant ce métier, puisque, comme tu l'as souligné, Aurore, c'est un vrai métier. On n'y pense pas toujours. On pense que c'est facile. Hein. On se dit, oh, bah oui, bah, il suffit de parler derrière un micro, comme là, comme on le fait. Mais non, non, c'est vraiment un métier à part entière. D'autres choses à rajouter pour donner envie peut-être d'aller voir Super Mario Bros. Le film, même s'il y a déjà 6 millions de personnes qui l'ont vu en France. Bah, faut aller le voir, hein. Franchement, oui, faut aller le voir. On passe un super conseil, moment. Voilà, en autre conseil, je peux voilà, si vous avez été bercé par cet univers-là, si vous connaissez un minimum, même si vous le connaissez pas, en fait, c'est vraiment un bon moyen aussi de le découvrir. Vous aurez peut-être pas tous les clins d'œil, forcément, mais ça reste un bon film, même si on les a pas. C'est une bonne histoire à voir. C'est vraiment un film vraiment intéressant. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, pour rappel, Super Mario Bros. Le film est sorti donc le 5 avril dernier. Je pense qu'il va rester encore un certain temps à l'affiche, donc vous avez encore un peu le temps d'aller le voir, mais en tout cas, ne le manquez pas. Chers cinéphiles, après vous avoir parlé de notre coup de cœur cinématographique. Voilà, on va faire un petit point sur le fun fact, voilà, du jour. Alors, Aurore, j'allais dire Aurélie, je sais pas pourquoi je veux t'appeler Aurélie aujourd'hui. Aurore, voilà, quel fait étonnant, surprenant tu souhaites nous partager? Alors moi, je suis tombée sur une vidéo hier, si je me trompe pas, sur le film d'animation Dragon. Très bon film d'animation d'ailleurs. Très très bon La film. Trilogie est Ah oui, merveilleuse. Enfin, oui. clairement, ils C'est sont une tous de très bien. Oui, c'est franchement c'est l'une de mes trilogies préférées. Si ce n'est la trilogie préférée du studio DreamWorks. Et donc en fait, ils expliquaient dans cette vidéo par rapport aux gestes, à la gestuelle et la façon de marcher, de se comporter de Croque-Mou, donc le dragon, qui est un Night Fury. Et en fait, ils expliquaient que quand Croque-Mou est en train de jouer avec Harold, ils avaient regardé les gestes, comment se comportait notamment un chat quand il est en train de jouer, par exemple, voilà, avec une plume ou une souris ou je ne sais quoi. Et en fait, ils ont repris cette manière de jouer, de bondir, de bondir, et ils l'ont recopié en fait sur Croque-Mou, en fait sur la gestuelle de Croque-Mou. Et c'est pour ça que Croque-Mou nous paraît si mignon en fait aussi. C'est cette façon de cette gestuelle, cette façon de se comporter, on l'adore. C'est parce que en fait ça nous inconsciemment, je pense, ça nous rappelle un peu le comportement d'un chat. D'accord, ah oui, très bien. Ouais, comme quoi, il y a tout un travail, on se rend pas compte, hein, derrière un film d'animation, Oui. tout est pensé. Ah oui. Ah, de toute façon, voilà, règle d'or au cinéma, rien n'est laissé au hasard, quoi. Ah Vraiment, bah, faut que rien ça du tout. soit ancré dans le réel, enfin, pour qu'on puisse aussi s'identifier peut-être plus aussi au personnage. Donc, en effet, bah, toute personne qui a un animal de compagnie, je pense qu'il rêverait d'avoir un petit croque-mou chez lui. Je pense. Ça, j'en suis certain. D'accord, ok, bah écoute, tu vois, je ne le savais pas, ça. Écoutez, chers cinéphiles, voilà, vous avez peut-être appris quelque chose. Avec cette saga, d'ailleurs, je ne pense pas. Pas pour l'instant que le studio prévoit d'en faire un quatrième. Je Non. crois qu'ils ont clôturé la trilogie et Non, c'est peut-être mieux comme ça ouais. parce que le risque, c'est de faire l'opus de trop. Oui, et franchement, le dernier clôt bien le chapitre. Je trouve Oui. que c'est une très très bonne fin. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très bien. Donc, comme vous le savez également, bah. Comme on aime bien aller au cinéma, forcément, on s'est déjà un petit peu projeté dans les prochaines semaines avec Aurore. Et il y a un film chacun, voilà, où on s'est dit, ah, celui-ci, je l'attends quand même avec impatience. Toi, c'est quel film Aurore que t'attends dans les prochaines semaines? Alors moi, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse qui sort le 31 mai. 31 mai, ouais, voilà, c'est ça. Le 31 mai. Donc c'est le deuxième film d'animation à propos. Enfin, c'est le deuxième Spider-Man. Le premier, c'était Into the Spider-Verse, si je ne me trompe pas. Et donc on retrouve Miles Morales qui est... Bah, le Spider-Man, en fait, qui joue Spider-Man. Et c'est un film d'animation, donc Sony, avec Marvel. Ils Ouais, co-travaillent, ils voilà. co-travaillent ensemble, ouais. C'est ça. Et donc, alors, c'est un film d'animation qui a vraiment, enfin le premier en tout cas, a vraiment très bien marché. Moi, je sais que j'ai adoré le style graphique qui était assez révolutionnaire, mélanger le 2D du comics, de la bande dessinée avec très, très pop, très coloré. Et la 3D, le 3D, mais pas rond, comme on disait pour Super Mario. C'est plus. On voit plus les angles, c'est plus géométrique. Et vraiment, j'ai adoré. Netflix avait fait Intergalactica, si je ne me trompe pas, qui avait fait pareil, un dessin animé dans le même style graphique, qui était très très beau. Et vraiment, Spider-Man, je crois que c'est le premier film d'animation dans ce style graphique-là. Et donc là, ils font le deuxième, où on retrouve pareil, voilà, ce style graphique. Et là, ça va être tous les Spider-Man du multivers qui vont être s'allier contre Miles Morales, car il veut lui poursuivre en fait sa mission, mais seulement à Brooklyn et pas dans le multivers. Oui, en effet, je pense qu'il est très attendu parce Ouais. que, alors moi, le premier, je n'avais pas eu la chance de le voir au cinéma. Voilà, peut-être que il m'avait, enfin, ça m'intéressait pas au départ parce que ça fait un moment qu'il est sorti déjà. Je dirais bien 5 ans le premier, hein, Ouais, je facile. crois Hein. que c'est 2018, si je Et me je trompe l'ai pas. rattrapé parce que j'en avais beaucoup entendu parler. J'avais entendu que du positif et je l'ai vu à la télévision et en effet, j'ai été déçu de pas l'avoir vu au cinéma parce que. Les musiques, pareil, l'univers, enfin tout, enfin vraiment exceptionnel comme film d'animation. Et pour le coup, comme toi, je ne manquerai pas le second au cinéma Non, non. le 31 mai prochain. Alors moi, pour le coup, autre film que j'attends et en même temps où je peux peut-être avoir quelques réticences parce qu'on peut se dire quand ça va s'arrêter, mais là ils amènent les choses un peu différemment. C'est Transformers: Rise of the Beast. Donc Transformers, il y a déjà eu 5 volets. Ah Dans oui. la saga, il y a eu une première trilogie avec Shia LaBeouf et ensuite 2 autres opus un peu plus indépendants avec Mark Wahlberg. D'accord. Je sais pas si toi c'est une saga que t'as suivie, Pas pas du du tout, tout. pas du tout, non. Bon bah voilà, Transformers, Michael Bay, ça pète dans tous les sens, de l'action en veux-tu en voilà. Par contre, côté scénario, c'est pas trop ça, c'est un peu pauvre. Alors, on a bien senti, autant la première trilogie, ça tenait la route, autant quatrième et après cinquième, oh là là, ça commence un peu à se perdre. Donc, voilà, d'où mon inquiétude. Donc, c'est le 7 juin prochain que sortira ce nouveau Transformers. Pour donc le synopsis, cette fois-ci, ce nouveau volet, il se déroule au cœur des années 90. D'accord. Et il nous emmène aux quatre coins du globe. Une toute nouvelle faction de robots Transformers, les Maximals. Donc cette fois-ci, ce seront des animaux robots. OK. Ils se joindront aux Autobots dans l'éternelle bataille qu'ils livrent face aux Decepticons. Voilà. Donc D'accord. en soi, il y a toujours cette guéguerre entre Oui. les Autobots et les Decepticons, mais cette fois-ci avec des animaux sous forme de D'accord. robots. OK. Pourquoi pas? Ça peut amener voilà, du nouveau dans la franchise parce que voilà, elle était un peu en perdition. Alors, pour le coup, cette fois-ci, ils ne mettent pas des acteurs très connus, D'accord, au ok. contraire des précédents films. Là, j'ai regardé, ce sont de jeunes acteurs. Alors, si, dans les seconds rôles, on a quand même Ron Perlman, Michelle Yeoh, Ah oui. Quand même, et on a aussi Peter Dinklage, mais pour le coup, ils vont jouer les robots, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas les voir à Ah l'écran, oui, d'accord. ils vont doubler les robots. Donc, côté doublage, notamment américain, voilà, c'est assuré par des vedettes. Par contre, voilà, le casting principal, c'est joué par des acteurs novices. Je trouve ça bien parce que. Parfois, dans les films, on veut absolument mettre en avant des acteurs connus, au détriment du film, finalement. Donc, le fait d'amener des acteurs qui sont peut-être moins connus et peut-être de mettre vraiment en avant les robots, finalement, hein, puisque c'est le cœur du film, ça peut être pas mal. J'ai vu la bande-annonce, ça donne quand même envie. Je pense que bah, y a le budget, forcément. Donc, Oui. graphiquement parlant, visuellement parlant, je pense que ça va tenir la route. Mon inquiétude reste là encore sur l'histoire. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. À voir, mais en tout cas, j'espère que ça pourra relancer la franchise. Surtout qu'il y avait eu un spin-off centré sur Bumblebee. Oui, qui avait été une catastrophe, non? Ouais, il avait moyennement marché. Mais qui se déroulait aussi, je crois, dans les années 90 ou 2000. Donc c'était intéressant parce que forcément, il y avait le côté années 90-2000 avec les musiques aussi et tout. Donc ça donnait une petite ambiance, une petite atmosphère qui n'était pas inintéressante. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, je l'attends quand même parce que moi, c'est une saga que j'apprécie et qui est quand même très divertissante. On va pas se le cacher. À voir au cinéma. Ça envoie. Enfin, Oui, clairement, c'est le j'imagine, type de film ouais. qu'il faut voir au cinéma. J'imagine. Donc à voir. Donc peut-être que ça sera l'occasion, peut-être pour toi, Aurore, de découvrir la saga, parce que t'as pas Peut-être. eu, faut pas avoir besoin d'avoir, il y a pas avoir, je vais y arriver. On n'a pas besoin d'avoir vu les précédents films pour le coup. Ok, bah Donc je verrai, ouais. ouais. Ouais, je pense que je verrai. Donc, chers cinéphiles, voilà pour aujourd'hui. Donc, on espère que vous serez nombreux à aller voir Super Mario Bros. Le film et que vous l'aimerez autant que nous. Pour les prochains films, voilà, on a hâte peut-être de vous en partager l'un d'eux. Hein, peut-être qu'on parlera du Spider-Man ou du Transformers. Voilà, si l'un ou l'autre nous a plu. C'était donc la première émission d'Hockey Ciné. Et on vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Voilà. Merci encore, Aurore, d'avoir partagé ce moment ensemble et on vous dit à bientôt. Ah, merci à toi. À bientôt. Merci.